fatigué. Vous êtes sur Canal Sud, c'est Nuisance. Actuellement, Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Dans Nuisance, fumée pue. Fumée pue, le thème de la soirée, c'est fumée pue. I need a belt. I need a belt. I need a belt. Il est 21h45, l'heure fatidique de Nuisance. Nuisance, c'est 21h-23h tous les vendredis sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nuisance, c'est ça. C'est bon. Vous êtes sur Canal Sud, oui, Canal Sud, et je ne suis pas tout seul ce soir car nous avons des invités de poids, des invités de marque, des invités de nobles invités, des invités nobles, oui. Parce que c'est des invités de Nuisance. Voilà, ils sont nobles. Voilà, j'aime bien la nobilité, la noblesse, je veux dire, la noblesse d'âme, la noblesse de cœur, tout ça, quoi. Vous voyez, je parle de. Dans 10 minutes, je vous dirai de quoi je parle exactement, précisément. Mais on disait justement tout à l'heure que la faiblesse de Schnapps. L'âme. Schnapps, entre autres. On disait un état de conscience inaltérable. Inaltérable par la puissance de la tergiversation, toujours débilitatoire, débilitante, débilitatoire. Débilité. Débilité, elle permet toujours la débilité, l'incantatoire, putréfaction, se voit voiler dans un outil de mesure inaltérable, inaltérable par l'altérité. L'autre, parlons de l'autre, car l'autre, il n'est pas celui qui croit, il n'est pas celui qui croit l'autre. Nous ne sommes pas celui que nous sommes. Il croit être ce que. Ce qu'il est celui soi-même, mais c'est un autre que soi qui importe. Et dans cet autre, il y a toujours la conscience, toujours le traité, toujours la pénibilité. Parlons-en de la pénibilité. La pénibilité, elle est pénible. Elle est la pénibilité. Et c'est aussi une débilitoire incantation que de dire que la puissance de l'âme s'accorde avec l'incandescence tergiversation. Mais passons. Ce soir, trois invités, donc comme je vous disais sur Nuisance, Canal Sud 92.2 FM et numéro de téléphone. Pour savoir quel sujet vous voulez débattre avec nous ce soir. Ouais. Développer. Développer. Débattre. discuter, peut-être. Débilité. Débilité. Débilité avec nous. Si vous voulez débiliter des paroles et débiliter des voix sur Canal Sud, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. Je répète le 05 61 53 36 95. Et surtout, n'oubliez pas, défense de fumée. Le thème de ce soir, donc, c'était, on avait dit peut-être que oui, ça pouvait être fumer pu. Donc, pourquoi fumer pu? Notamment du point de vue sociologique. Parce que nous évacuons tous la fumée par les pores de notre peau. Voilà, premièrement. Porc qui est aussi un mot dégueulasse. Le porc, comme la fumée. Comme la puissance du feu. Par les pores. Max, qu'en penses-tu? Je pense que les odeurs du réchauffement climatique causent. Et donc de la fumette causent une véritable. Tu penses que c'est à cause de la fumée des gens qui fument notamment du cannabis, on n'oublie pas de le préciser. Ou du tabac, ça peut alors pour oui, le tabac. Oui, les deux mélangés, c'est pareil. Mais bon. Non, après 10 heures, le cannabis, parce que c'est un sujet tabou. Par contre, avant 10 heures, on peut parler de fumée de tabac. Quoi. D'accord, bon, bah au moins les cigarettes. Ou d'asperges. Ou de fougères. D'accord. Bon, toutes sortes de fumées inspirées et expirées par les humains. Par les pores de la peau. Ça passe. Ouais. Tout. Ah, d'accord. Tout. Mais n'oublie pas, on est avec encore, il est 10 minutes encore, tu pourras en parler. Les enfants vont au lit. Ok. Voilà. Peut-être. On peut espérer. Donc tu penses que le réchauffement climatique est causé par les fumeurs? Bah, tu estimes en partie. À combien de pourcentage? Je dirais autant, à peu près autant que l'épée de vache. Environ. Ah ouais, comme la flatulence j'avoue, bovine. J'ai pas flatulence bovine, quoi. Exactement. On n'a pas évoqué jusqu'à maintenant le problème de la flatulence bovine dans le réchauffement climatique. On l'a évoqué. Nous avons, sur Arte, qu'on en a pas, nous avons un écologiste avec nous en ce moment. Nous allons lui laisser la parole. Ouais, voilà. Il est ouvert et il a des belles fleurs dans les cheveux. C'est un écologiste. Il est écologique. On dirait qu'il n'a pas du tout étudié. Non, mais je crois qu'on ne parle pas son langage. Il faut parler langage écologique. Non, il faut parler comme les fleurs. L'écologie. Bon, que pensez-vous du pet de vache? Non, la flatulence bovine. Parlez-moi en druidique, s'il vous plaît. La flatulence bovine. On ne parlait pas des fumées pu. Oui, fumées pu. Fumées pu et la flatulence bovine. Ouais. Et donc voilà, quoi, ça c'était les revendications écologiques de la soirée, quoi, et on est bon, quoi. Ça y est, c'est parti maintenant, on va... Je pense que la seule solution, monsieur, ouais. Il faudrait éliminer de la planète tous les animaux. Tous les ça animaux. Déjà, ça diminuerait la dose animaux, de paix. Mammifères. Oui, c'est ceux qui pètent le plus, non? Je sais pas. Humains, mammifères... Il faudrait faire une étude. Les insectes ne pètent pas, non? Non, les insectes, ils respirent par les pores de la peau, j'en sais pas plus. Ouais, mais je pense que, étant donné leur taille microscopique, ils doivent pas trop polluer. Microscopique? T'as déjà vu un cafard, mec? Non, mais c'est grave. Ouais, quoi. J'avoue. Ouais. C'est un petit cafard, c'est pas très polluant. Mais déjà, éliminer cafard, les mammifères serait une bonne chose après, oui. Avec les, une bombe à neutrons. Les insectes aussi. Une bombe à neutrons pourrait préserver leur habitat, préserver leur construction. On devrait faire des cartes avec une purification après une purification par les bombes aérosols. Une purification par les bombes aérosols dans les escaliers et les couloirs. On devrait faire une carte avec les zones des différentes espèces, tu sais, pour marquer la quantité de flatulence dans cet endroit par pourcentage, tu vois. Ouais, la chaîne de l'évolution, mais la chaîne des flatulences, quoi. Voilà. On appellerait ça maintenant la chaîne des paix. Ouais. Voilà, exactement. Pas de la paix, quoi. Le paix de l'ours regorge le paix du lapin qui s'empare du paix de la tortue. Voilà, donc la chaîne des paix, avec une analyse profonde également de la composition de ces flatulences. Moi, je propose un truc complètement radical qui est de poser des filtreurs à méthane dans l'anus de toutes les vaches. Ah ouais. Ça serait très réglé, en fait. D'emploi. Radical. Bah, et pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt? C'est créateur d'emploi, je vois une nouvelle mais branche. Mais si on le fait avec les vaches, on doit le faire avec nous, très cher. À partir de 2 mois, on lui met un eau, après, si on prenait du pé, on lui met un autre. Et du pé de Sarko. Du pé de Sarko, si on prenait du pé de Sarko, tu crois que la qualité... Il faudra attendre à peu près 2080 pour arriver à cette technologie-là. 2080 pour arriver à arriver à filtrer le méthane, oui. À filtrer le méthane. On a un vrai scientifique avec nous ce soir. Hein. 2080, on va pas y arriver, puisqu'à 2012, on a foiré le rendez-vous, là. Comment on va faire? Ouais, je pense qu'en 2012, en fait, bah, c'est ce qui doit se produire, d'après les scientifiques, une explosion. Géant qui va, qui va faire exploser la planète, une ou en tout cas une grande partie. De méthane, quoi. Oui, voilà. Une explosion de méthane pur. Peut-être quelques... Comme disait le spécialiste de l'éco... Mmh. C'est pour ça que nous devrions tous acheter des espèces de combinaisons de force anti-méthane. Anti-méthane pour pouvoir respirer par les pores. Voilà. Comme des pores. Voilà. Et détruits que nous sommes. Et seuls les pores, d'ailleurs, seuls les pores survivront après 2012. Hein, et les cafards. Et les cafards. Ouais. Après 2012, les pores et les cafards, on le sait, seront souriants. Les pores parce qu'ils flottent, puisque c'est tellement de la graisse. Et les cafards parce que ça pue. Les cafards, ça pue. Ouais, donc ça vit dans la puanteur, ça survit. Et donc ça vivra. Que diriez-vous de changer de sujet et de parler d'un truc qui est très intéressant? La flatulence. Non, le système actuel. Le système de quoi? Boursier? Movax. Non, le système. Le système. Créé par l'homme. Apparemment... De quoi? Le feu! Le feu! Il veut allumer sa clope. Bah oui, fumer plus, même dans le studio. On en était où? On voulait parler du système. Du système, le système actuel? Ouais. Ouais, ben le système actuel, il est bien développé. Il n'y a pas de nuisances sonores ni bruitistes dans le coin. Et jusqu'ici, les aléas sont tout considérément de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, bien étalés en profondeur. Et aussi également le front syndical des Nations des Unies est au point mort. Donc puis, le front s'étale en profondeur. Ouais, en profondeur. Oui. Avec, je pense avec qu'il y a, les autres, l'est-ouest. Il faudrait revoir l'anatomie humaine. Conjugale. L'anatomie, tout simple. L'anatomie parce que je ne savais pas que le front était en profondeur. Ouais. Ça dépend de la conjugalité. Ah oui. Justement, donc on parlait de la conjugalité, si vous voulez. La conjugalité, moi je dirais que la conjugalité est une très mauvaise chose. C'est un attachement, un emprisonnement. Une vie conjugale. Non. L'homme et la femme ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà. Et deux personnes et réunies puent encore plus. Voilà, ouais. Et donc la puanteur, là. Je pense que ça participe au réchauffement climatique aussi. La conjugalité, oui. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il faut tous mourir tout seul. Je pense que c'est le meilleur moyen de sauver la planète, mourir. Mourir d'avance. Plus d'efforts engendre plus de CO2, il faut pas l'oublier. Aussi. Et si on pourrit, est-ce qu'on engendre du CO2? C'est ça la question. Il faudrait nous cramer, mais ça cramer, ça nous produit du CO2, quoi. Ça craint, non? Non, tu crées du méthane. Ou alors il faut se suicider en dehors de la planète Terre. Il faut créer des espèces de grosses fusées qu'on envoie dans l'espace. Ça va exploser. Ouais. Pour brûler du méthane encore? Ouais, mais dans l'espace, pas sur notre planète. Du moment que c'est ailleurs, on s'en fout. Ah ouais, voilà. C'est déjà fait. Voilà, c'est ce qu'on fait. On va faire. On va balancer une planète entière de déchets sur Mars. Et ça va faire une grosse planète géante. Elle va péter. Et ça va faire plein de détritus qui vont nous revenir dans la gueule et vont cramer dans l'atmosphère. Ça va faire la nuit des étoiles, version une année entière, tu vois. Tu sais combien de satellites sont partis comme ça dans l'espace? Sûrement parler de puanteur. Combien de fusées sont parties dans l'espace? Non, de satellites. Poubelles, quoi, qui reviendront jamais. 2012. C'est rien, quoi. 20 120. C'est un bon nombre. Il y a quelqu'un qui a appelé pour passer un message. Mais quel est-il ? Nous t'écoutons. C'était le message, justement. Ça sonne en boucle, je sais pas, j'ai pas compris exactement. Mais c'était une langue bizarre. Tu voulais réécouter le message et c'était ça. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais je vais sûrement comprendre. Bon, je suis décodeur, on va. Je pense qu'on a atteint une connexion avec les aliens. Voilà, c'est ça. Ou alors, il y a des gens qui font des choses bizarres chez eux. Regarde, ils ont pris le contrôle de, ils ont pris le contrôle de ma main. C'est pas le langage du Zeklar 131, ça? Oui. Oui. Je l'ai reconnu de Star Trek. Bonsoir. Oui. Oui. Communication activée. Nous sommes en communication avec l'être T suprême. L'être T suprême est en communication avec je crois qu'on va t'arrêter l'autre. Nous allons bientôt crever. Nous allons bientôt crever. Ça y est, le message est terminé. C'était une dédicace pour machin, quoi. J'ai pas compris le nom. C'est pas grave, on avait compris, quoi. Le nom, je veux dire. Oui. C'est peut-être le rang. Machin, c'est-à-dire. Oui, le nom de la dédicace, machin. Qui pue. C'était machin qui pue, voilà. Voilà, je me souviens maintenant. Machin qui pue. Dégoulinant. Tu fumes quoi, Max, là? Machin suintant et dégoulinant. Purulent. Tu fumes quoi? De sueur et de portritude. C'est quoi? De porcidétude, même. Même qu'on peut pas dire que ça se couvre le temps, n'est-ce pas? Vu qu'on est dans le studio radio et qu'on voit pas le temps se couvrir. C'est toi qui a roulé, hein. Bon. N'aie pas peur. Pourquoi tu fumes une clope là? Bon, excuse-moi. Ouais, il est 10h, c'est magnifique. C'est l'heure décisive. Les enfants sont au lit. Je croirai quand je le verrai. Ouais, j'ai un message de Joe. Appelle-moi, j'ai un truc à dire sur le méthane. Ouais, et qu'il appelle le standard aussi, hein. Le standard. Donne le numéro là, il a qu'à appeler. Hey, tu gaspilles plus de sous. Envoyez un message. Jojo, je te appelle au 05 61 53 36 95. C'est gratuit, c'est pas sur taxe. Attends, mais tu m'empêches de dire le numéro. Tranquille. Pardon, ouais, 05 61 53 36 95. Mon crédit t'emmerde. La genèse. C'était bien. Tu mets un bruit de son, un bruit de fond un petit peu. C'est Valix Rap. Magnifique. Où je mets cette ligne et bleue. Alors vous essoufflez le char en vacances. Je vais vous mettre ce lago pour retirer. Et après, je vais le char en vacances. Je vais mettre ce livre pour faire une. En même raison, où je vais le chèque 5 mois de frais d'aller l'aïe seul. Où je mets ici le livre, ça m'amusera au sujet. Attention, ne faites pas trop de bruit dans les studios, ça fait mal aux oreilles. Attention, attention, je vous surveille. Et minaillant vivé. T'as, je me sens parano tout d'un coup. Oui, ça fait bugger ce soir. Il faut encore un plus. Il y a beaucoup de connexions à Liane ce soir, je trouve. Énormément. Ça dérive, on dirait, ça dérive. Je sais pas où on est, mais ça dérive. Nous entrons dans une autre sphère. La galaxie s'est divisée. Et nos âmes se sont rendues. Dans une orbe noire. Elle est translucide, l'orbe. L'orbe est translucide. L'orbe est translucide, noire. Car qu'est-ce que le blanc, si ce n'est une couleur préconçue? De notre côté, il est blanc. Parce qu'on voit le mur blanc, toi tu vois le table noir. Ah, moi je voyais les mots MAUX de oui, la turpitude. Mais qu'est-ce qu'une couleur? Une couleur est une chose préconçue. Une couleur, le blanc et le noir. Wow. Ouais, je t'ai cassé, mec. Ouais, c'est pas une couleur, le blanc et le noir. Cassé, ouais. Ouais, t'as vu, je maîtrise. Ouais, faut pas dire n'importe quoi. Hein, moi, je fais pas hein, dire n'importe quoi, ça, non. Bizarre, n'oublions ouais, pas le sujet de la soirée. La fumée. Tu. C'est pas forcément. Je vais m'éclipser du studio à aller passer un petit coup de fil. Il y a des gens qui ont un crédit et plus vraiment plus que la majorité des personnes. Ils émettent un peu plus de méthane que la moyenne. T'as pas ça s'appelle Saint-Cyprien. C'est une grosse source, une nappe entière de méthane créée pour détruire le monde entier par leur seule espèce et leur seule présence sur cet univers et cette société. Alors, leur espèce, tu m'entends pas du coup. Ah, il m'entend pas. Du coup, tu m'entends pas. Un petit café? Ça vous réveille? Parlons de la fumée. La fumée. Il est dans sa roue. L'huile. C'est un peu le truc le plus fort qui existe, non? Non. Cannabis. Je crois pas non plus. Laisse-le. De quoi? L'électramant munisse de vrai si. Il m'a dit que je le rabaisse. Enfin, laisse-moi ma mère fumer de fou. Ouais, je pense que fumer plus des gens intolérants ont décidé qu'ils allaient déclarer que cette odeur était de mauvais goût. En fait, vous savez pourquoi le cannabis est illégal en Europe? Parce qu'il est néfaste. Non, mais sur certains points de vue. Parce que Napoléon a envoyé la majorité de ses troupes en Algérie et au Maghreb du Nord. Et ils ne sont pas revenus parce qu'ils sont restés là-bas fumer des pipes. C'est à peu près ça. Ils étaient inaptes au combat et depuis. Mais t'as déjà vu un drogué se battre 200 ans, 300 ans. Par exemple, le barbecue, c'est ça sent super bon. En Europe. Non, mais que ce soit pour le tabac ou que pour le cannabis. Genre, le tabac, ou enfin, le cannabis, il a une odeur de fumée. Et la fumée, du genre, pourtant, la fumée de barbecue ou la fumée de plein de choses, une odeur super bon. Alors, pourquoi est-ce que le fumée du cannabis ou le fumée du tabac sent mauvais? Ouais, pourquoi ça pue, quoi? Je suis sûr que ça plaît à plein de gens qui fument pas, en fait. Rien que l'odeur d'une clope, tu vois. Le premier arôme qui sort d'une cigarette. Mais pourquoi rien qu'une clope? Parce que même le cannabis, ça sent meilleur, mais ça détruit l'environnement. Mais ça dépend. Des fois, il y a des gens qui préfèrent le cigare, l'odeur de cigare, à l'odeur de cannabis. Parce que personnellement, sans faire de déclaration sur ma personne, mais quand je croise quelqu'un qui est en train de fumer quelque chose qui sent bon, bah, je trouve que, putain, galère quand bon. Même. Mais si ça sent mauvais, et là on est tous d'accord, ouais, ça là, sent mauvais. Que ceux qui préfèrent le cigare au cannabis, là, tu cours. À ce moment-là, ce que moi je disais, c'est que plutôt si ça sent mauvais, c'est ce que je disais. Moi je dirais que sans émettre d'avis personnel, ceux qui préfèrent l'odeur du cigare à l'odeur du cannabis sont des pauvres. Attention, tu parles de quelqu'un de très cher à moi, tu parles de ma mère, tu parles pas de ma mère comme ça. Oh merde. Je retire tous les propos qui ont été faits jusqu'à présent. Je plaisante. Je taquine. Donc il ne plaisante pas ici. Juste le sang. Ne plaisante pas. Jamais. On disait, il y a des bruits derrière, il y a des bruits parasites dans les enceintes. Elles viennent d'extérieur, on dirait qu'on nous parasite l'antenne. C'est quand même outrageux, quoi. Outrancier, quoi. De quoi? Je veux bien on le nous rhum, parasite là. L'antenne. Ah ouais, on boit le rhum. C'est vrai? Rome. C'est ça, c'est le Rome. Quelqu'un veut des churros? Ouais, je pense c'est, que c'est Draco, il nous envoie des ondes, tout des vient churros, du Rome. Des churros, des c'est cacahuètes, la solution, le problème. Et... des cacahuètes, des chips. Et l'axe, des l'axe central de notre société. Sur nuisance. Dans nuisance, pardon. En nuisance. Avec un S à la fin, nuisance. Oui. Car en ce monde, tout est pluriel. Rien voilà. De singulier. La pluralité. Eh les gars, je crois qu'il y a du morse derrière. Oui, mais nous recevons des signaux depuis le début. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un en danger en ce moment. Cette radio a atteint des orbites dégueulasses. J'entends SOS. Bon, ça c'est juste que t'es trop... Non, c'est parce que je sais pas écouter du morse. Tu sais, continue comme tu es en train de faire là, et je pense que tu comprendras le morse au bout de quelques heures. Moi je propose un rhum ananas. Ouais, ça c'est une bonne solution. Qui vote pour appel 0561 53 36 95. Je répète pas. Je suis obligé d'appeler pour voter moi. C'est un extrait de la Bible à l'envers. Il y a de l'humour. C'est stressant. Ouais, ça fait extrait exorciste. J'ai envie d'un peu sans changer de. C'est quoi là? C'est quoi ça? De quoi? C'est un spliff. De quoi? Non, c'est pas un spliff. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est dégueulasse. Mais non, c'était une clope. Oh merde, c'est glace, il est en train de vomir partout, je coupe l'antenne. Voilà. Attends, je suis sûr que ça intéresse des gens. Des gens bien qui peuvent appeler à n'importe quelle heure. Pourquoi tu veux qu'ils appellent? Ils ont pas de crédit, on s'en fout. Mais si, les gens bien, ils ont un vieux transistor. Ah mais non, c'est amusant ça, bam. Vous avez un vieux halo bizarre. Je suis dans la merde. Je me mets plus. Je crois qu'il y a un souci. Nous avons des coups de fil de suicidaire. Voilà, on a un coup de fil de suicidaire ce soir. C'est en train de se pendre à une corde. J'ai pas compris quoi. C'est chaud. Non. Bon. On a un petit peu de suicidaire ce soir. On aurait dit une. Je crois qu'il est dans un arbre. Vraiment, là, j'ai pas compris. Ça ressemble assez au délire de South Park. Grimpe dans les arbres. Je vois, lui m'envoie l'alcool, c'est plus dangereux que la weed, ramène le rhum. Il faut pas croire, non, mais le rhum, je crois qu'il va tomber à la fin avant la fin de l'émission. Je suis désolé, mais ça va très vite. Mais si je peux, je t'en ramène. D'ailleurs, je vais faire le prochain mélange. Non, pour parler en mode comment des dangers de la weed. Oui, il y a des dangers de la puanteur pestilentielle. Mais ce qui est plus dangereux au final, c'est que la weed ou le tabac. Ouais, c'est parce qu'on a envie de le sentir. Crois-tu que l'envie est pire que la puanteur? La puanteur est naturelle, mais l'envie est humaine. L'humain est la destruction. Donc la puanteur est meilleure que l'envie. La puanteur est meilleure que l'envie. Oui, donc le cannabis est l'envie, donc le cannabis est le mal. Non, la question c'est que... le désir de rentrer dans un monde qui n'est plus la même, soit inférieur au désir de se sentir les poumons nettoyés, propres. Son message était plus que subliminal. Il était sublime. Ouais, je pense que tout est dit. Oh, lapide. Oh, lapide. Lapide. Moi, je pense que ça, ça va pas le faire. C'est des choses comme ça, là. Deux. mystery behind the hidden vaults of freedom. Freedom is always expelled on the words. The words are always fashionable, fascinated, like fascination. I've got to admit there's one thing I can never consider, it's oneself. Oneself is not the being, oneself is not the one. Oneself is not the must, I must not be oneself. Must be myself, my own self. Fish, others everywhere, and I don't want to see the fashionable districts of the city belonging to another dimension. d'orange, plus ça passe mieux. Je trouve aussi. Ouais. Moi aussi, je trouve que plus on met du orange, plus ça passe mieux. En fait, on a testé ce soir une nouvelle technique de boire, en fait. On prend une bouteille ça de rhum glisse mieux aussi. À moitié pleine. On l'a rempli à la moitié de jus au choix. Et c'est dur au début. Et au fur et à mesure, on rajoute plus de jus. Ce qui fait que c'est plus facilement buvable. Et on boit tout à fait la même quantité d'alcool à la même vitesse, en fait, parce que c'est plus agréable. Et d'un point de vue de mathématiques, je dirais que la croissance est plus exponentielle. Et exponentielle, exactement. Voilà. Et la destruction de neurones est aussi exponentielle. C'est totalement. Et c'est ce qui résulte en notre situation. Tout à fait. Tout en mangeant. Non, car il faut toujours manger en buvant. Oui, tout à fait. Vous avez mangé au moins, les gars, parce que... Bah oui, on est en train de bouffer des saucisses. Oui, je mange. Ah ouais, d'accord, ça se voit. Oh, il y en a. Pas dans le studio, mais... Merde, qu'est-ce que je dis? J'ai encore démenti. Moi, je trouve que ça tape encore plus. Je tape, d'accord. T'as vu tout ce que j'ai descendu, là? Qu'est-ce? Bah, j'ai bu. Tiens. Un petit coup de schnapps. Vas-y, fais tester le schnapps. Avec les herbes. Comme non, parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub. Mais y'a plein. Je crois qu'elle finit, c'est fini, je crois. Figure. Ça sent bizarre. Une bouteille est approximativement de 8 cm de haut. Descends. Ah ouais, j'ai senti, ça sent fort. Il pouvait barrer toute l'armée sur disque. Je crois que ça peut être considéré comme arme bactériologique, ce truc. Je crois bien. Genre, tu le jettes au-dessus d'un grillage et ça y est, tout le monde est assommé. Les bactéries peuvent tuer. La guerre peut tuer. Les virus peuvent tuer. Mais le schnapps aussi peut tuer. C'est de l'alcool l'humanité. D'herbe, en fait. L'alcool peut tuer. C'est de l'alcool d'herbe. Tout peut tuer. Mais quelles herbes ? Mais de quoi veut-on mourir ? Vas-y, t'es plus qualifié pour moi pour décrypter. À partir de quoi est conçu le schnapps? Quoi? Tu veux quoi? De bactéries. C'est comment c'est fait le schnapps? C'est pas dur. C'est pas marqué sur la bouteille? Oh, mais non, mais c'est de la merde. C'est ce qui est marqué derrière les bouteilles d'alcool en général. Genre, tu sais, quand t'achètes un vin et ce magnifique mélange d'épices et de truffes de truffes de merde. On peut dire merde et caca et chiottes maintenant, on est après 10 heures. Ah, on peut dire foutre, on peut dire trou du cul, on peut dire balle, on peut dire. Tout de merde. Enculé, ça on peut le dire aussi. C'est cool. Après 22 heures, tout est possible sur les ondes. Car après 10 heures, j'espère qu'on n'est pas censuré. Enfin, on est toujours censuré, de toute manière. C'est fatidique. Ah, c'est pour ça qu'on a zéro auditeur. Ces truffes générées par des tasses de merde ont contribué à un magnifique breuvage qui concule un palais super sucré, alors que... Super sucré, une cul, quoi. Je me permets. En gros, c'est. Je me permets de te prendre un petit pétard. Ça fait boum. Boum, et quand ça fait boum. Et quand ça fait boum, boum, boum, boum, boum. Olé. D'accord, je suis rentré là-bas. Nuisance. C'est assez arabisant comme... Vas-y, mets-nous un truc arabisant. Charmeur de serpent. Ah, c'est un démarrage. Que veux-tu? La lumière. c'est un mauvais génie. Tiens, là. La lumière. C'est arabisant si tu veux, mais c'est un mauvais génie là. Ouais, j'avoue que il pourrait faire du meilleur son de génie. Comme une ambiance de tonnerre dans l'air. Ça sent lourd. C'est comme si tout allait me tomber sur la tête. Non mais c'est un tonnerre c'est breton. C'est un druide qui nous dit ça. Un tonnerre breton. Je crois que c'est une bombarde. Le druide ne dit jamais le ciel ne tombera sur la tête. T'as chopé ça où comme sur son, la tête. Hein. Bah, c'est un pote qui joue de la bombarde. C'est un mélange de guimbarde et de cornemuse. C'est non, peut-être, je sais pas, non, c'est pas une guimbarde, c'est plutôt une cornemuse, mais tu souffles, t'as pas un sac. Ouais. Une cornemuse, c'est juste un petit peu. Il y a une hanche, il y a une hanche double. C'est pas les trois flûtes là. Non, non, ça ressemble à une flûte arabe, tu vois, un truc. Pour les... C'est pas du saxo péruvien aussi. Les charmeurs de serpents. Les saxos péruviens, c'est les saxos en plastoc, ouais. Sans PVC, tu sais. Et il y a une hanche en bambou ou je sais pas quoi. Et voilà, ça passe. Ça passe. Parce qu'il y a un saxo péruvien, le pote. Ça, je dis ça. Là, je crois que c'est une bombarde. Ça, c'est une guitare électrique, ça. Une guitare électrique bien déformée. Ah, on l'a défoncée avant de jouer avec. C'est pour ça qu'elle pleure électrique. Comme ça. Ça, c'est le saxo qui pleure. Et... Max, saxo, vous voyez la tête de Max. Il s'est fait défoncer aussi. Taxi, Max Taylor. Present. Je ne vois pas de quoi tu parles. Nous sommes à la radio, nous ne voyons rien. Nous ne sommes pas vus. Nous sommes sans entendre. Juste des oreilles. Manger churros. Churros et cacachouette. Cacachouette, chouette même. Churros ne nuit pas à la planète. On chie dessus. La planète, on l'encule. La planète, elle veut nous tuer. Elle veut nous bouffer. C'est pour ça qu'on essaye de la bouffer avant qu'elle me bouffe. L'enculé. On la retourne et on l'encule. La planète. La planète, on la prend, on la retourne et on l'entube même. Avec des tubes de glucose. Des et elle survit. Un et peu comme souffle, des fous sur une elle tête. Souffre d'être attachée avec des escarres et les viscères qui explosent. Et après, elle purule de sang et de viscères et de vers de terre qui purule, pustulance, pustulatoire, jouissance, merde partout. Et ça pourrit et elle crève, cette créature de merde qui veut nous enculer. C'est la planète. La planète, on va la tuer. On va la tuer ce soir. On est comme des poux, en fait. On la suce. Ouais, on suce la planète. C'est pas la réalité. Ça va, Max ? Parasite. Mais remets ton casque. Sinon, tu vas perdre le fil. Tu vas perdre le fil, sinon. J'ai juste besoin de respirer un coup. C'est le stress du radio. T'as l'air très stressé. Mais t'as l'air d'avoir un accent. Tu viens d'où ? Californie. You from California, man ? Ouais. Oh, you should have told me before. I'm half American, man. Ah ouais, ouais. And why don't you speak English? Parce que... You have to speak English. No, you don't have to, but why don't you? parce que honnêtement, parce que je renie un peu ma langue. T'as oublié ta langue? Je renie un peu ma langue. Tu renies ta langue? Ah, c'est dommage, l'anglais c'est pas mal, je préfère l'anglais au français, moi. Ah ouais? Ok, ouais, so fuck trouve... everybody and let's go on with the sound. The sound is going to be very painful as usual and very unusual. But it will be soft tonight on Canal Sud 92.2 FM or 92.2 FM or canalsud.net or canalsud.net on the whole fucking planet. I don't care about anything at all. In fact, I'd rather be dead already. But as I know, Flo. It's not forgiven. This damn Filme fucking feu. Situation. Merci. Non, mais y a de quoi faire. Y a de quoi faire. Par contre, je trouve que vous faites beaucoup de bruit dans le studio, donc je vais vous couper. Voilà, Jack, vous êtes coupé. Je vous ai coupé. Je vous ai coupé. Voilà. Dégoûté. Bon, maintenant que plus personne nous entend, qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y, on en prend un et on l'exécute. Moi je propose. Il va falloir en abattre un. Il va falloir abattre celui qui est le plus à demi-vivant d'entre nous. Le plus pas comme il faut. Voilà, le plus à demi-vivant. Ça fait fille, les gars, c'est déjà fait. C'est toi ce soir qu'on exécute. C'est fini. D'accord, ça marche. Je pense que. J'ai pas envie de niquer la vie. Choix est fait. J'ai pas envie de niquer la vie. Tu veux pas t'auto-exécuter ce soir? Non, t'inquiète pas, je vais faire un truc avec la chaise et Max. Non, frappe pas Max avec la chaise, ça va casser le matériel. Moi, ce que non, je veux, non, c'est mais que... je fais attention, je suis précis. Non, Max s'auto-exécute ce soir devant nos yeux ébahis. Au schnapps. Si vous votez pour que Max se pende, tapez 1. Tapez 1. Si vous votez pour que tapez 0. Meurs d'une overdose, tapez 2. Tapez 10 000. Frappez tout le monde autour de vous si vous voulez que Max s'auto-exécute ce soir devant vos yeux ébahis et vos oreilles. Tabassez-vous, montrez l'amour que vous avez pour ça. La planète. Max va s'auto-exécuter ce soir. Ça y est, il a commencé. Il se pourfend. Il se morfond avec tout. Il se morfond. Non, les gars, c'est de la régénération. Je vais redevenir quelque chose d'autre une fois que j'aurai atteint par terre. Il va atteindre par terre. On va lui montrer ce que c'est que par terre. Allez, pour une fois qu'on peut martyriser un gars plutôt qu'une meuf. Retrouvons la réalité. C'est trop facile. C'est trop facile de pourfendre tout le temps les meufs, quoi. Allez, on va pourfendre un gars pour une fois. On prend un gars, on va le pourfendre. Allez, vas-y. C'est quoi cette pensée lubrique insane de là? Vas-y, c'est tous mes potes rebeux. Ouais, forcément, c'est des rebeux parce qu'évidemment, la nation française, elle n'oserait pas faire ça. La nation française, elle n'est pas comme ça, elle. La nation française, elle, elle veut que ce soit que des rebeux et des sans-papiers qui tuent tout le monde. Sans-culé. Non, mais franchement, Max, réveille-toi. Tu vas mourir. Indienne. Oh non, pas ça, pitié. Excuse. Il y a des chiottes dans le coin là-bas. Ouais, vas-y, il y a des chiottes, je vais te montrer, tu vois. Si tu veux te poser. Il y aura de nuit, non? Vous avez dit les gars pendant que c'est parti? Ça perche. Vous avez rien dit? Ça perche. Ça perche? Donc qui fait le son. Qui fait le son? Ouais. Attends. Ah ouais, accélération. Ah. Du Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le 1er octobre 2010, vendredi, et c'est l'émission Nuisance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, donc. Et il est 23h moins 10. Et à part ça, ben, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va. Quand l'appétit va, tout va. Badons ensemble sur les ondes de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Badons, badons, le bad c'est good, bad is good tonight and nuisances. The show is about nuisances and you all get all the crappy shit and all the crappy stupid motherfucking assholes and everywhere it's cramming up and bulging out and it's gonna shit on your face and everywhere riot. People are gonna riot everywhere. They're gonna riot and kill you all, you fucking bitches and all you stupid motherfucking innocent fascists. You innocent fascists. We will kill all you innocent fascists. Fucking. Yes, you have understood, riot is everywhere and we will kill everybody who will hear us tonight or everybody that will survive. We will kill everybody, yeah. High school fucking hippie jocks. Yeah, that's the first thing we'll kill and we'll kill all the stupid preppies. Those stupid fucking preps will take their heads and shove them up their assholes and they'll be screaming in their assholes and they'll be screaming out, they're screaming out like words like how and fucking zig and motherfucking swastikas everywhere will be cramming up their asses and burning their souls. So take your bash. That was the sublime, you know, message of the night. Yeah, take your bash. On va tous les prendre et on va tous les cramer. Passons socialement, c'est nous les barbares. Barbarisons un peu, barbarisons les barbares, car les barbares de merde qui sont là depuis seulement 3 générations, moi je les encule, moi je veux des barbares des vrais qui sont là depuis 12 générations, et nous on va les prendre, on va les retourner, et à poil on va les enculer tous, et toutes et tous, s'ils sont tous à égalité, ils comprendront ce que c'est que la vie, mort par Enge, Bouga, machin, truc. C'est nous les barbares, j'ai pas oublié. Fucking barbarians everywhere, cramming up my throat and jamming up knives up the noses and shitting everywhere. And they'll be shitting on the bodies, and the bodies will be rotting up in hell, and hell will be everywhere forever. Forever will be hell, and hell will be forever. C'est une partouze. On prend l'enfer et on la baise. On baise l'enfer. baise l'enfer. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est un bon enfer à baiser et à faire l'amour avec. On veut faire l'amour avec l'enfer. Parce que l'enfer, ça nous fait pas peur, au contraire, ça nous fout la trique. C'est tout comme ça. Si ça t'en pique, tu retournes. Satan, tu le prends et tu te retournes. Tu le niques. Tu le niques. C'est quand même Satan qui pique. On va niquer Satan ce soir. On va niquer Satan sur les ondes. En direct, cash. Satan, viens, allez. Nous avons fait connexion avec tout le monde possible. Ouais, Satan, allez, viens, on te nique. Satan, Satan, allez, viens, on te nique, ouais. Où est-ce que je suis-je? Où est-ce qu'ils sont? Évidemment. Sammy, where have you gone to? Et bouge 3, 30, képpé 6, 15, entre rue, à ce coin, le Meg, A, R,